Bonjour, direct le 7 janvier 2023. Donc, je vais attendre que les gens arrivent. Bon, on va faire un échange. Parce que, bon, le dernier direct, c'était pas un échange, hein. Après, il y a eu des échanges. Donc, je vais attendre les gens. Est-ce que le son est correct? Vais l'écrire, là. Bonjour Roselyne. Question est correcte. Bonjour Jean. Bon, ça doit être correct le son. Personne ne m'en parle. Bon. OK. Fait que donc, est-ce qu'il y a des sujets? S'il y a des sujets que vous voulez qu'on parle. Prenez, c'est quoi la dernière chose? Les affaires en Australie, là. On a parlé. Dans le fond, c'est du nouvel âge, là. C'est une branche du nouvel âge. L'affaire, c'est que c'est fait partie de la culture populaire maintenant. C'est vraiment partout. Vous avez juste à aller dans une pharmacie, puis regarder les livres qu'il y a à vendre là. Ou vous allez dans un magasin de meubles, puis vous regardez, les décorations qu'il y a là. Puis vous allez voir des choses qui ont rapport avec l'hindouisme, le bouddhisme, puis tout ça mélangé dans une sorte de mélange, de mélange. Puis bon, prenez les gens qui font de l'art-thérapie. L'art-thérapie. Ils font dessiner ils font colorier des mandalas à vos enfants. Prenez juste les enfants. Bonjour, Chanice. Bonjour à tous, là. Bonjour, Bob. Bon, vous prenez juste, souvent, vous posez juste des petites questions comme ça, comme vous arrivez chez quelqu'un, puis il y a, je sais pas moi, une statue de Bouddha. Alors, vous dites, est-ce que vous êtes bouddhiste? Non, c'est parce que je trouve ça beau, les gens vont dire, je trouve ça beau. Ah, c'est quoi votre attrait là-dedans qui fait que vous trouvez ça beau? Puis l'affaire, c'est pas d'écœurer le monde avec ça, mais juste vous les posez des questions, puis vous observez bien les réponses. Observer les réponses. Bonjour Valérie. Donc, vous allez vous en rendre compte que c'est dans la culture populaire le nouvel âge. Puis que tout le monde a des notions de ces choses-là, puis ils ne savent pas d'où ça vient. Puis c'est tellement profondément maintenant inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la culture populaire que finalement, bon, ça devient. Même vous pouvez voir des gens. Ils vont tenir un discours totalement contradictoire. Ou bien, vous pouvez regarder même des gens qui se disent athées. Qui se disent athées vont avoir des notions de nouvel âge. Donc, bon. Puis, c'est vraiment devenu la culture populaire, au fond. L'aspect spirituel de la culture populaire, maintenant, c'est ça. Donc, bon, on n'est pas sorti du bois. Moi, l'affaire que je veux dire par rapport à ça, c'est si vous le comprenez, si vous le voyez, bien. Ça va être beaucoup plus difficile de vous, parce que ça s'accroche à vous, ces notions-là. Vous allez regarder ça d'une autre façon. J'ai souvent eu des gens avec qui j'échangeais à un moment dans leur vie, ils ont compris ça, puis ils se sont débarrassés de tout. De tout, là. Que ce soit les cartes de tarot, les petites statues, ça a tout pris le bord, puis ils prêtent une coche, puis ils mettent ça aux poubelles. Il y en a même, ils ont jeté des milliers de dollars de livres aux poubelles d'un coup. Des fois, c'est des disques, des fois, c'est des. Bon. C'est comme là, le développement personnel, puis ces choses-là. Il y a des gens qui sont dans le développement personnel, ça fait 30 ans, puis ils sont malheureux. Ils sont malheureux, puis des fois, c'est long avant de se rendre compte que finalement, finalement. Hein? Donc, bonjour, Mimi. Donc, bon, c'est très insidieux, ces affaires-là. Ça a été voulu, ça a été programmé. Dans le fond, ben, prenez quelqu'un qui se promène tout seul sur la rue avec deux masques d'en face, on peut dire c'est de la programmation mentale, là. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, toutes ces notions-là qui viennent d'Orient. Puis bon. Bonjour, Jean. Donc, prenez. C'est tellement partout. C'est tellement dans tout. Demandez à des enfants d'où vient l'être humain? Vous allez être surpris des réponses. Vous allez être surpris des réponses. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a là-dedans, c'est des von Daniken, là. C'est des Raël. Donc là, bon, L'affaire, c'est pas de dire, ah, ben, le nouvel âge, c'est pas correct. Puis, ça marche pas. Si vous vous mettez à prêcher, si on peut dire, à dire au monde, ben, là, ça, là, c'est l'astral, puis c'est des influences, puis c'est des forces irrationnelles, puis les gens, ils comprendront pas. Ils comprendront pas, puis ça va renforcer leurs convictions. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est d'observer. Vous faites juste des fois, vous remarquez des petits détails, vous posez des questions. Dire, ah, vous pensez quoi, telle chose? Puis vous allez le voir. Vous allez le voir que on vit à une époque où la spiritualité, la religion officielle, c'est le nouvel âge. Ben oui, cette espèce de. Ben, c'est comme un melting pot, là. Melting pot. Bon matin, valeureuse. Donc, ah, bonjour Lionel. Donc, s'il y a des affaires là qu'on peut jaser par rapport à ça, parce que même les psychothérapeutes, les psychologues, même des médecins sont par-dessus la tête dans des affaires comme ça des fois. Donc, il y a une place des fois où j'allais, c'était une espèce de petite boutique là ésotérique là, Nouvel Âge. Puis j'y allais parce que quelqu'un que je connaissais qui allait là acheter je sais plus quoi. Puis j'étais toujours curieux d'entendre les conversations. De voir comment les gens sont ignorants, dans le fond. Parce que là, je veux dire, bon, oui, vous pouvez assainir en faisant, bon, des petites choses. Mais il reste que ça va tout le temps être à recommencer. C'est ça un peu la trappe, là. Il y a une trappe. Il va y avoir une répétition. Une répétition. Donc, bon, ce que je considère efficace, c'est ce qui fonctionne une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On n'a pas à répéter, bon. Mais il reste que non, on s'est fait saturer. On s'est fait saturer, puis dénaturer au niveau culturel par ces idéologies-là. Puis, quand j'écoute les gens parler, des fois, je reconnais des choses qui viennent des théosophes. Mais pourtant, c'est des gens qui connaissent rien à ça. Ou des fois, je vois des notions, ça vient des anthroposophes. Pourtant, c'est des gens qui connaissent rien à ça. Des fois, les gens, ils vont entre eux parler, puis c'est des affaires. On peut même rapprocher ça de d'autres choses, là. Bon, encore plus obscur. Aujourd'hui, là, on a des chamans, ils ont des bâtons avec un cristal au bout. Pensez-vous vraiment que les chamans, dans le temps de l'ère glaciaire, il y avait des cristals au bout de des bâtons? Ben non, c'est des affaires genre à Ivanov, là, puis la fraternité blanche. Avoir de se promener avec un bâton avec un cristal après, ça n'a rien à voir. Ça, c'est toutes des affaires récentes, ça. Puis ça essaye de se donner des airs séculaires, mais c'est pas le cas, là. Bonjour Estelle, Jean-Paul. Donc, prenez les gens qui font des traitements énergétiques. Dans le fond, ils jouent avec l'invisible, là. Puis bon, ça fait une coupe. Ça fait plusieurs là que leur santé est complètement à terre après avoir fait ça pendant 25-30 ans. À un moment donné, ben l'énergie, ça disparaît pas, hein, ça se transfère. Donc, il y a eu des cas, là, des radiesthésistes, là, leurs proches tombaient malades. C'est bien beau de vouloir soigner le monde. Puis, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'avait amené, c'était une affaire de formation pour le Reiki. Puis, savez-vous comment ça commençait? La dame, elle avait des photos là, des maîtres au Japon, là, puis elle invoquait ces maîtres morts-là. Elle les invoquait. Ben, je me suis levé puis je suis parti. J'ai dit, ah, je m'excuse, j'ai été poli. J'ai dit, je m'excuse, j'avais oublié, j'ai quelque chose à faire. Donc, bonjour, Laurence. Donc, c'est très, très, très insidieux. C'est dans votre vie, je veux dire, c'est pas besoin de chercher longtemps, là. C'est autour de vous. C'est autour de vous, juste à jaser avec les gens, juste à en parler avec les gens, vous allez le voir. Juste aller voir les rayons livres d'une pharmacie. Vous allez en voir. C'est comme je vous disais, même un magasin de meubles, regardez les décorations qu'il y a. Vous allez voir des affaires liées à l'hindouisme, des choses liées au bouddhisme, des choses liées à d'autres affaires plus même. Moi, j'ai déjà vu, vous savez, John Dee. Le système d'encryptage de John Dee, c'est assez complexe, là. C'est des formes géométriques assez complexes. J'avais vu ça sur un couvre-lit. Imaginez, là, sur un couvre-lit. Les gens dorment avec ça. C'est-à-dire, bon, Ça a tout un effet, là. C'est tout fréquentiel. C'est tout. Ça a une vibration, ces choses-là. Donc, ce qui arrive dans votre vie au niveau des phénomènes que vous vivez va être lié, entre autres, à ce que vous pensez, à ce que vous percevez. Donc, on est connu du monde que c'est totalement contradictoire leur façon de vivre. Il y en a une dame que je connais, son père était dans les bérets blancs, là. Du monde, puis catholique, puis le pape qui se met à plavandre devant l'autel à l'église. Puis elle, dans ses moments libres, elle faisait quoi avec ses amis, ses sœurs? Ben, ils faisaient du spiritisme puis du Ouija. Donc là, à un moment donné, le monde réalise pas que c'est contradictoire. Il y a une de mes tantes, là, elle aime ça communiquer ou se penser en communication avec des morts. Puis j'ai dit, ben là, c'est parce que, bon. Toi, t'es de quelle confession? Ben, elle dit, ben là, tu le sais, je suis catholique. Puis je dis, ouais, mais t'es pas supposé faire ça, là. Puis finalement, elle me sort, elle me dit, ah, oh, ben la spiritualité, la religion, c'est privé. Là, non, ça vient d'où, ça, cette idée-là? Ça vient d'où, ça, que je suis privé? Ah, oui, moi, je trouve que c'est public pas mal. C'est public pas mal. Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? L'affaire. Quand il était question, vous êtes des brebis que j'envoie parmi les loups, là, annoncer la bonne nouvelle, c'était-tu, ah, oh, c'est un secret, c'est privé. C'est quoi ces affaires? On a complètement une notion de la spiritualité qui est complètement pervertie par des cultures alternatives qui sont apparues dans les années 50 et 60. Puis c'est partout, c'est complètement partout. Ça s'est renforcé dans les années 70 puis 80. Puis c'est venu dans les années 80 avec un paquet d'autres affaires, des histoires de partnership amoureux, puis des affaires de même de promotion de l'inceste, puis de la pédophilie. Puis, ben oui, mais toutes ces affaires-là, jusqu'à un certain point, ça va venir au niveau vibratoire. On s'en rend peut-être pas compte au niveau de la forme, mais ça vient tout ensemble. En tout cas. Je vais répéter ma question. Pouvez-vous me faire une étude sur la culpabilisation, la culpabilité? Ben oui, mais là, la culpabilité, c'est des choses, c'est souvent lié à votre enfance. C'est-à-dire que si on vous a fait vous sentir coupable petit, ben là, c'est dans votre âme. C'est des mécaniques. C'est ça que les Freudiens, là, bon, ils appellent le surmoi. Il y a des gens, ils ont un surmoi despotique, c'est-à-dire ils se sentent coupables tout le temps. Puis c'est de la manipulation, dans le sens pas par quelqu'un nécessairement, mais vous vous manipulez en vous sentant coupable. Parce qu'il n'y a pas une observation du côté psycho-affectif de ça, puis d'où ça vient. Parce que des fois, on n'est pas coupable de rien, on n'a rien fait de mal, puis on se sent coupable. Puis c'est pas. C'est dangereux, là. C'est dangereux parce que ça fait du monde en danger, qui se met en danger. Si vous êtes quelqu'un qui est porté à se sentir coupable, vous allez vous faire profiter de vous. Donc, tu dois connaître l'Obsang Rampa, ça fait-tu partie du New Age à ton avis? Ben oui. Ben oui, en plus que c'est une fraude, ça là. Prenez son livre, Le Troisième Œil, il peut aller faire lire ça à un vrai bouddhiste. Un vrai, là, je parle de quelqu'un qui étudie dans de la masonnerie ou du monde d'Asie du Sud-Est là ou du Bhoutan ou peu importe, là. Puis vous allez voir ce qu'ils vous disent, ce qu'ils en pensent. Son histoire de. Vous prenez, c'était quoi donc son livre, là, le paquet de chandelles, la 36e chandelle? Puis, ben oui, mais c'est un monsieur qui il a justement profité des modes. Ça se vendait bien. Ben oui, là, puis 100 grammes pas. Je veux dire, il n'est jamais allé au Tibet, ce gars-là. Ça n'a pas rapport, là. Bonjour, j'ai des histoires avec un certain Michel. Ah oui. Dépend lequel, là, il y en a pas mal. Les gens qui sont venus au monde dans les années 40-50. Les deux noms les plus populaires au Québec, les deux prénoms, c'était Louise puis Michel. Donc, bon, ça ne me dit rien, hein. Mimi, bonjour Mimi. Christophe, Thomas du Québec, connais-tu? Non. Non, ben moi, je connais rien de ces milieux-là. Je les ai fui toute ma vie comme la peste. Tout ce qui a rapport avec certaines choses, justement, liées au nouvel âge, je ne suis pas au courant de rien. Mais par contre, à chaque fois que j'arrive dans une ville, ben là, je suis revenu dans la ville où je suis né. Mais à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle ville, je faisais immédiatement des recherches pour savoir toutes les sectes qui sont présentes, toutes les affaires qui sont présentes. Puis j'y trouve toutes d'habitude. Puis habituellement, il y a même des factions du Templum, là, l'Ordo-Templum Orientis, des affaires de même, là. La Morque, il y en a, dès qu'une ville a plus de tant d'habitants, là, il y a les Jéhovites, bien sûr, les témoins de Jéhovah. J'ai l'habitude d'une ville, là, c'est incroyable comme il y en avait. Puis bon, finalement, je regarde tout le temps ça. C'est un fervent de BDM. Bon, non, je ne le connais pas. Les fervents de BDM non plus, je ne les connais pas, hein. Donc, même ces affaires-là, je vois ça comme des sectes. Donc, ça dépend, là, du milieu, là. Que penses-tu de l'IA? Vous parlez de l'intelligence artificielle? Ben, pas grand-chose, je veux dire. Ben, encore là, jusqu'à un certain point, ça vient. Ça, on pourrait faire des parallèles avec le nouvel âge, le transhumanisme. Prenez les premières choses qui ont été écrites sur la cybernétique dans les années 40-50. Puis vous allez voir c'est quoi l'intelligence artificielle, puis à quel point c'est insidieux. Ce qu'on appelle une activité de compensation, la technologie à ce niveau-là, le transhumanisme. D'ailleurs, j'ai vu, parlant de transhumanisme, j'ai vu Marjo à la télévision hier, je ne sais pas ce qui est arrivé, hein. Supposément que c'est déplacé de parler de chirurgie esthétique comme ça d'une femme, mais moi je considère que si vous vous promenez avec, je sais pas, moi, une banane sur la tête, ben là, il faut vous attendre à ce qu'on en parle. Puis j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Incroyable le nombre de lanceurs d'alerte qui se mettent à parler de spiritualité. Il y a les bracelets avec des cristaux, le catholicisme. Ben oui. C'est pour ça que, bon. Dès que, ben, comme le catholicisme, j'ai un petit peu moins de misère. Ça me dérange un petit peu moins. Ça me dérange un petit peu moins. Ben, moi, c'est l'affaire, le côté spiritualité de magasin Nouvel Âge. Là, ça, je suis tanné. Je suis pas capable. L'affaire aussi, c'est redevenu à la mode, là, le chamanisme, là, puis c'est n'importe quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ceux qui se sont intéressés au chamanisme, comme on trouve en Eurasie, ou bon, pas loin de la Mongolie, là, vers la Russie, tout ça, vous pouvez le voir que ça n'a rien à voir. Ça a rien à... Donc, c'est un peu du business. Ben oui, c'est ça. C'est là que, bon, ça devrait allumer une lumière. Ça devrait allumer une lumière. Parce que des affaires, genre nouvelle lâche, c'est vraiment tout le monde, toute la gang. Je veux dire. Même quand eux-mêmes ne sont pas nécessairement dans le nouvel âge, vous allez voir du monde autour qui sont dedans. Puis, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça rejoint le côté puéril des gens. Donc, un endroit de chamanisme avec une production de tambours à brûler proche de chez moi. Ah oh, oui, OK. Moi, j'entends parler des jeunes de Wicca, sorciers, ah oui, sacrés par des jeunes femmes soumises. Ouf. Ben oui, TikTok. TikTok, les Wiccans. Est-ce que, ben, moi, je regarde pas TikTok, là, mais il y en a qui en parlent. Est-ce que la Bible est ton guide de vie? Ben, la Bible, c'est pas un guide de vie dans ce sens-là, là. Bon, mais j'ai tout le temps eu une Bible, j'ai tout le temps eu une Bible. L'affaire, bon, ça dépend qu'est-ce que vous entendez par là, là. Prenez, regardez, les Juifs, techniquement, sont encore sous la loi. Il n'y a pas de notion de grâce. Fait que eux autres, c'est vraiment un guide de vie. C'est pas à peu près, là. Bon, cependant, il y a des choses réelles, il se passe des choses. Ben oui, mais elle a la pogne. Et là, ça va tout le temps mêler du réel avec du pas réel. Il va tout le temps avoir une part qui échappe. C'est pour ça qu'il y en a, ils font des affaires pendant 25, 30 ans. Ben oui, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'affaire, c'est que c'est long avant de se rendre compte qu'il y a quand même une attrape. Il y a quand même une attrape. Mais bon, que pensez-vous de la crémation, la motivation, le sens de cette pratique? Y a-t-il un rapport avec l'âme et le corps? Ben, ça dépend. Encore là, c'est des notions, ça dépend de. Qu'est-ce que vous en pensez, puis pourquoi? Personnellement, bon, rien contre la crémation, mais sinon, à la veille de nous dire que c'est pollué. L'affaire, c'est Qui a popularisé ça en Occident? Moi, c'est ça que je regarde. C'est les théosophes. C'est Madame Blavatsky à New York qui ont fait brûler un bonhomme. Ça avait fait scandale. Mais personnellement, bon. Vous savez, là, dans une vidéo, BDM parle du rubis, de son effet dans un cadre particulier. Je ne sais pas si c'était pendant sa période avec, dans sa période avec Glenn. Puis, au moins, les pierres, c'est ondulatoire, hein, parce que c'est très dense, les pierres, au niveau moléculaire, puis que ça émet des choses. Puis, bon, il y a des champs, ce qu'on appelle des champs. Mais l'affaire, c'est que, bon, moi, qu'il y a du monde qui se met une émeraude ou un rubis pour corriger quelque chose, puis tout, c'est leur affaire. Mais personnellement, je considère que c'est des supports. Puis, je pense que c'est mieux de se réguler sans avoir besoin de faire ça. Donc, bon, quand il y avait la période avec Glenn, c'était bon, moi, des fois, là. Bonjour, j'ai bien apprécié ta dernière prise de parole, elle était très vibrante. Ah, laquelle? Ah, les. En Australie, là, je me demande quelles sont tes croyances. Ben, je n'ai pas de croyances. C'est pour cela que je te pose la question, car je viens tout juste de te découvrir. Ouais, l'affaire, c'est que, bon, je suis pas apparu de même, là. Mais le monde, ils le savent. Ils le savent. C'est quoi la mécanique de la croyance? L'être humain, il est polarisé entre le doute et la croyance parce qu'il ne sait pas. Donc, ce que je ne sais pas, j'en tiens pas compte. Ce que je sais, j'en tiens compte. Mais je n'ai pas besoin d'être dans ce qu'on pourrait appeler psychologiquement parlant de la croyance. C'est là où je ne vois plus que la croyance commence. Donc, je m'arrête avant ça. Donc, bon. C'est pas, à mes yeux, par exemple, la foi, c'est pas de la croyance, là, au sens où on l'entend maintenant. On lit pas les petits caractères sous les contrats des pratiques New Age. Ouais. Ben oui. En plus, c'est même pas honnête à ce point-là. Je veux dire, ce qui est le plus important dans ces pratiques-là, c'est justement ce qui est pas parlé, ce qui est pas su, ce qui est pas dit. Parce que c'est comme dans n'importe quelle affaire, ceux qui ont réellement des mauvaises expériences, ils sont pas écoutés. Ceux qui veulent témoigner de choses qui ont vécu négatives avec ces choses-là, personne ne veut les écouter dans ces milieux-là. Ils se font rejeter parce qu'ils sortent d'une doxa. Donc, finalement, l'expérimental sert pas, là. Puis c'est pour ça que c'est tellement insidieux, entre autres, parce qu'il y a un tri. Il y a un truc qui se fait parce que, bon, ben, les gens veulent voir juste ce qui fait leur affaire. Des rubis, des amulettes égale gris-gris, ouais, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Pour ça que, bon, dès que vous voyez un regroupement, là, ils ont une bébelle, là. Ils ont une bébelle. Prenez Osho. Osho, à un moment donné, les adeptes, il y avait carrément son portrait dans le cou. Là, il y a un problème, là. Bon, je trouve ça difficile de parler avec plusieurs personnes de mon entourage car ils ne parlent que New Age. Je suis plus capable, moi. Ben là, une fois que c'est vu, bon. Mais l'affaire, moi, ce que je parlais, c'est ceux qui ne se rendent pas compte de ça. De jaser autour d'eux, puis à un moment donné, vous allez le voir. Vous allez le voir. C'est la culture populaire de maintenant. C'est la spiritualité de la culture populaire. Il y a du monde qui pense que c'est devenu démodé après les années 80, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça a été intégré comme du banal dans la culture populaire. Ça a été intégré comme allant de soi. De la même façon qu'à une certaine époque, on a vu des termes de la psychanalyse apparaître dans le langage courant, mais complètement détournés de leur sens originel. Mais c'est la même chose, le New Age. Puis c'est vraiment dans tout. Il suffit d'ouvrir la télévision, d'écouter les gens. Puis c'est vraiment souvent à leur insu. C'est vraiment à leur insu, comme à un moment donné, il y en avait une, je dis, bon, c'est quoi ça, la statue, là? Ben, oh, ça fait zen. Je regarde, je dis, quoi, vous êtes une adepte du zazen, ou ces choses-là, ben, c'est quoi ça? Ben là, ce New Age, ce New Age est incapable de voir ce qui les dérange. Tout est rose avec des anges partout, et voilà. Et voilà. C'est comme prenez ceux qui sont bien, bien calés dans certaines pratiques. Par exemple, il y en a qui vont parler d'angéologie. J'en ai vu qui sont dans l'angéologie. Puis dans le fond, Bon, ils sont pas si ça, c'est ça vaut. Comment je pourrais dire ça? Disons qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Ceux les plus calés là-dedans, bon, ben, vous pouvez faire ce qu'on appelle c'est pétitionner. Pétitionner. Ça prend des alphabets que moi je ne donnerai pas, qu'il faut faire sur des papiers traités de façon que moi je ne vous expliquerai pas. C'est des techniques que je n'expliquerai pas. Mais vous allez vous faire répondre. Si vous osez, si vous avez le front de pétitionner un ange, il va vous répondre. Mais là, sais-tu, bon, est-ce que c'est vraiment. Mais oui, il va y avoir quelque chose. Puis ça défie les lois de la probabilité. Parce que quand il dit tel jour vers telle heure, il va entrer un oiseau dans ta maison, si j'accepte, puis tel jour, telle heure, il rentre un oiseau dans la maison, ou une abeille, ou quelqu'un apparaît de nulle part et vous fait un cadeau. C'est des réponses assez spéciales. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des forces qui. Ça dépasse l'entendement normal. Puis c'est pas pour rien que je dis au monde de toucher pas à ses affaires. Touchez pas. J'ai un neveu qui est depuis plusieurs années dans les Rainbow, que c'est ça. Quand l'arc-en-ciel est apparu avec la COVID, ça m'a sonné des cloches. Ouais, la belle affaire, c'est que l'arc-en-ciel, ça symbolise les plans. Puis l'arc-en-ciel, à un moment donné, avait été pris, c'était pour symboliser l'alliance de l'être humain avec les plans ou des choses au-delà des plans. Comme prenez Noé, à un moment donné, il arrive, il accoste, puis là, il y a un arc-en-ciel. L'affaire, c'est que l'arc-en-ciel, ça n'a pas juste les. Bon, c'est vraiment un symbole de division de la lumière. Puis aussi de communication avec différents paliers. En tout cas, il y a toutes sortes de cochonneries par rapport à l'arc-en-ciel, dans le sens que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, mais c'est toujours occulte. C'est toujours ésotérique. Prenez, il y a des petites filles qui jouent avec des gommettes, puis des petites affaires, puis des petits arcs-en-ciel avec des licornes. La licorne, c'est un des symboles de l'illumination. Surtout si elle est blanche. Là, mettre des arcs-en-ciel avec en plus, puis bon, ça commence à être grave. Mais c'est pas grave, là, les enfants, tant que. Je veux dire, des fois, bon, il faut respecter leur innocence. Ils font pas ça pour mal faire, ou ils vont pas avoir de l'attrait pour ça pour mal faire. C'est plus notre culture populaire qui est saturée de ces choses-là. Donc, bon. Y a-tu des choses que j'ai pas vues? Ceux qui parlent de nos guides, c'est qui eux, les guides? Ben, c'est parce que là, on parlait de contrôle mental tantôt. C'est quoi être téléguidé? Si vous avez des guides, vous êtes téléguidé. L'affaire, c'est que, bon, ben, les influences, c'est pas juste les autres personnes, là. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires. Puis même si c'est pas réel, ça agit pareil. Donc, bon, les guides, ben, les guides, c'est des affaires qui vous. Prenez, là, comment qu'elle s'appelait, elle? Dans les années 80, il y en a une à canaliser un guide, là. Ça me finit mal, ces affaires-là. Mais des fois, ça prend 30 ans avant de le voir. Bien sûr que ça existe, mais pas comme ils le pensaient. Voilà. Selon toi, est-ce que les démons existent? Faut que je fasse attention, hein. Ben, je vais vous donner mon opinion subjective, oui. C'est juste qu'on appelle ça comme ça, mais bon. Le mouvement des hippies Rainbow. Ah oui, c'est en plus, bon, OK. Oui, les jeunes femmes en robe, féminin sacré, ces choses-là. Moi, j'ai rien contre les femmes en robe. Là, ça dépend. Mais là, l'affaire, c'est OK, en robe féminin sacré, ces choses-là. C'est parce que dans un monde où tout est sacré, on devient sacrilège quelque part, là. La notion de sacré n'a plus rapport. Arc-en-ciel est tout. Ah, c'est Mona. Arc-en-ciel est aussi un symbole franc-maçon. Ben oui, c'est l'arche. C'est l'arche. En tout cas, prenez, s'il y a une colonne positive et une colonne négative, il y a un portail magnétique, là. Vous mettez un arc-en-ciel au-dessus, puis tout est là. Donc, hey, là, j'en perds. Mais oui, oui. Tout à fait. Ben, eux autres, ils ont récupéré tout ce qui existe, quasiment. Puis bon, ben, plus ou moins, là. Dans certains, francs-maçons, très présents dans certaines vidéos de chanteuses ou chanteurs. Moi, c'est des affaires, j'écoute pas. Donc, je suis pas très au courant, là. En tout cas, les armoiries du Canada et de la Nouvelle-Écosse avec la licorne enchaînée et les lions en domination. Ouais, ça vient de. C'est les Britanniques, hein. D'ailleurs, là, ceux qui sont intéressés par les monnaies, les pièces en argent d'investissement de la couronne britannique, vous en avez une avec la licorne qui a éclaté ses chaînes. Puis c'est bon, un petit peu, c'est un symbole d'initié, mais en tout cas, c'est aussi lié à une famille. En tout cas, cette semaine, Rin Chaya avait un invité qui propose trois niveaux pour bloquer les cellulaires de plusieurs industries en arrière desquelles ils sont Google, Netflix, blablabla. Ah ouais, je sais pas c'est qui Rin Chaya. Moi, je connais Rod Chaya, le rabbin. Mais non, Rin Chaya, je sais pas c'est qui. Donc, ah bonjour. Bon, ben, de rien. Elle s'appelle la licorne, symbole imposé par les Anglos. Ben oui, les nôtres étaient le castor, la feuille d'érable, mais ils en ont dépossédé. Ouais. Ouais, mais ils sont pas tout seuls, là, à un moment donné, là, les nazis québécois, là. Ils avaient récupéré ça, le castor, puis les feuilles d'érable. Prenez, comment il s'appelait, lui? Adrien Arquin. Ouais. Avez-vous vu des photos d'Adrien Arquin? Arquin? Adrien Arquin, le regard. Oh, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Mais en tout cas, celle qui canalisait était Gabrielle. Ah, je n'ai pas vu. C'est de voir qu'ils ont tous des noms. Il y a une dame avec qui j'avais discuté, puis elle avait donné tous des noms comme ça à ses enfants. C'est une voix qui lui disait comment appeler ses enfants. Imaginez, là. Ben, c'est quelqu'un qui était dans le nouvel âge, puis qui avait les cheveux. En rouge, là, comme Chloé Sainte-Marie. Puis j'écoutais, puis à un moment donné, elle m'expliquait, j'ai vécu des grosses choses, là, à un moment donné, j'ai fait une psychose, puis là, je me disais, moi, ben oui, mais en tout cas, les puissances obscures et bas astrales, c'est ça aussi, vous savez, même le haut, c'est, ouais. Moi, je ne vais pas commencer à faire le tour, ça c'est bas, ça c'est médian, ça c'est haut. Oui. Donc, faire attention, même ce qui est haut. C'est comme ça, les affaires qu'on voit dans certaines formes de taoïsme, là, les maîtres immortels, ces affaires-là, c'est du haut, là. C'est du haut astral, c'est de la merde pareil. Tant qu'à moi, là, je veux pas, je veux dire, les gens qui sont là-dedans, c'est correct, là, vous faites ce que vous voulez. Donc, bon. Bonjour Berthold. Bonjour Zo 357. Jean Saint-André, elle canalisait Melchisédek. Ouais. Même dans le supramental, ben, je veux dire, le supramental aussi, c'est plein de nouvel âge, c'est plein d'affaires. Bon. On en reparlera à un moment donné. Bonjour Berthold. Bonjour Régine. Valeureuse, Lucie. Bonjour, je reprendrai en différé. Ok, pas de problème. Ron Chaya, oui. C'est qui Clémentine pas? J'ai l'impression qu'on se connaît. Avec ton micro-cravate, le son est franchement meilleur. Avec l'autre micro, bien souvent, avec mon matériel peu amplifié, j'ai du mal. Moi, c'est parce que ça dépend. Si je ne peux pas parler fort fort, là, je prends l'autre. Oui, un peu de modération et d'humilité, ça permet de rester sain. Ouais, mais même là, c'est insidieux. C'est insidieux parce qu'il y a du monde, ils sont orgueilleux de leur humilité. J'ai déjà vu ça. Ben, je l'ai déjà vu ça. Ben, moi-même, bon, je suis orgueilleux pas mal. C'est moi, je m'appelle Annie. Ah, bonjour. Ah oui, ça se peut qu'on se connaisse, mais le... c'est pas une Annie que. Bonjour, Anaïs. Donc, oui, comme je vous disais, là, par rapport toutes ces choses-là, je veux dire, il n'y a pas une journée, il n'y a pas une journée où je vois pas, j'en vois pas du nouvel âge, où j'en vois pas des choses liées au nouvel âge, où je sens pas la présence de cet état-là, là, qui est un état d'esprit aussi. C'est des états d'esprit. Puis bon, c'est sûr que j'apprends beaucoup avec les raves, tout dépend lesquels. Ouais, mais des fois, bon. Des fois, on apprend parce que justement, on n'apprend pas qu'est-ce qui est pas. Je ne sais pas si vous voyez, là. Des fois, on apprend des erreurs des autres aussi. Donc, c'est pour ça que j'en écoute des rabbins. Mais c'est surtout pour prendre le pouls de comment ça se passe, là. Parce qu'ils sont un indicateur, hein, eux autres, d'événements. Puis des fois, je regarde dans quel état ils sont. Quand ils sont fébriles puis tout énervés, là, je dis, oh, il s'en vient quelque chose. Je sais que tu as parlé de M. Pierre Gilbert, mais quand j'en ai parlé dans un direct que j'ai fini par enlever, où je parlais de tout le monde, finalement. Pour ça, je l'ai enlevé aussi. L'affaire, c'est que Pierre Gilbert, souvent dans des conférences, il va dire des choses qui ne sont pas réelles, puis que je peux démontrer que ça ne l'est pas. Puis il sait, je pense qu'il y a des affaires que par la suite, il a su que c'était des erreurs, mais il ne rectifie pas. Parce que c'est comme si la fin justifiait les moyens. Mais c'est comme il avait parlé de la pomme-grenade. La pomme-grenade aurait exactement 613 grains, comme les lois. La loi juive, dans le fond, les 613 commandements. Il y en a qui parlent de la justice, non, non, c'est super compliqué. Comme si Dieu essayait de nous faire signe, mais l'affaire, c'est que c'est une métaphore. Allez acheter une pomme-grenade, comptez les grains. Vous allez voir, il n'y a pas 613 grains. C'est des choses naïves comme ça. J'aime pas ça quand on sort ça, comme si la fin justifiait les moyens, puis qu'on est prêt à mentir pour convaincre. Ça, j'ai de la misère. Ça, j'ai de la misère. J'aime pas ça. C'est comme quand il avait montré des images d'un artiste australien qui mettait des statues dans le fond de l'eau. Il montrait des images de statues dans le fond de l'eau, puis il disait, c'était des civilisations disparues. Ben oui, il n'y a pas une seule trace d'érosion sur les statues, sur les civilisations disparues. À un moment donné, là, j'ai de la misère avec cette façon de faire. Ce que j'appelle l'humilité, c'est de ne pas croire capable de tout faire. Ah ben ça, même les orgueilleux savent qu'ils peuvent pas tout faire. En tout cas, mettre aucune limite et se croire indestructible et protégé de tout. Ouais, mais ça, on en voit, bon, d'un autre côté, si vous ne donnez pas d'importance à ce qui peut vous arriver, vous allez être. Mais là, bon, ça dépend, là. Il y a un contexte souvent. J'écoute aussi, mais des fois, aux missions volontaires ou non, c'est autre chose, moi. Est-ce que tu le suis tout de même, sûrement en question? Ben, oui, je veux dire, quand il fait quelque chose, je l'écoute pas. Ben, je veux dire, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. La première fois que j'ai eu affaire, j'ai quoi de Pierre Gilbert, c'était des cassettes VHS dans un petit magasin de seconde main. C'est dans les années 90 que j'avais trouvé une conférence donc ça fait longtemps, là. Je trouve déjà assez difficile de surveiller ce qui se passe entre mes oreilles, que le culte, ben, pas trop d'intérêt en dehors d'une vibration moindre. Ben, de toute façon, une fois que c'est vu. Je veux dire, bon, maintenant, c'est à l'occasion, je veux dire, moi, j'achale pas les gens avec ça, j'observe. Des fois, je vais poser des questions par rapport à des affaires, puis là, j'observe, j'étudie ça. Mais souvent, il faut que ce soit passif, là. Dès qu'on s'oppose à l'occulte, ça revient presque à être dedans. Ça revient pas. Pierre Gilbert parle de l'enlèvement comme si ça allait arriver cette année et que, wow, ça fait, hey, moi, ça fait quoi? Ça fait 15 ans, c'est pour demain. Comme si ça allait arriver cette année et que tout le monde allait partir pour le grand voyage. Ouais. Ben, eux autres, ça fait partie de leur foi, hein. L'enlèvement, fait que bon, c'est sûr que bon matin, un autre volcan qui s'affole ce matin du côté d'Hawaï. Beaucoup d'activités sismiques sur Terre présentement. Oui, vous avez vu la Californie. Il fait pas beau. La chaîne YouTube Sous le bandeau est une chaîne québécoise de FM. On peut y apprendre beaucoup pour se tenir loin. Ah, je n'y connais pas. Maintenant, une autre chaîne de FM, là, comment ça s'appelle? En toute franchise. Bonjour, Bertel. Bonjour, Marie-Jeanne. Il y a Isia qui a fait, mis un site en livre, puis j'arrive pas à aller le voir. C'était possible de me marier à un moment donné. Je n'ai pas vu cela. Ah, je ne sais pas parler. Qu'est-ce pour vous une personne en voie de conscientisation? Ben, c'est quelqu'un qui se désillusionne. Souvent, c'est du monde qui vit des grosses souffrances psychologiques ou des épreuves. Ils ont des chocs puis se désillusionnent. Parce que la conscientisation, hey, bon matin, l'oiseau moqueur, la conscientisation, plus souvent qu'autrement, c'est pas des choses que nouvelles, que c'est plus des vieilles choses qui se défont souvent. Puis, bon, la conscience, je vais le donner, le lien. Ah, merci, Isia. Ah oui, en toute franchise. Oui, c'est hallucinant. C'est, ouais, c'est spécial, là. Mais non, moi, je pense qu'on peut dire que c'est une chaîne d'FM, ça. Moi, je suis encore à AM. Que pensez-vous de cette comète qui provoque des événements sismiques? Une comète? Quelle comète? Ça me rappelle quasiment Heaven Gate. Ou l'autre, là, les chroniques de Rorschach. Je ne sais pas, là. Qu'est-ce que je pense de ça? Bon, pas grand-chose. Les gens sont. Prenez le monsieur qui est allé en Floride pour fuir des pluies de météorites qui allaient tomber sur le Québec. De la façon dont la Terre fonctionne, puis tout, que s'il y a une pluie de météorites, ça va vite, là. Puis c'est pas juste le Québec, là, je veux dire, ça suit une ligne, un angle. En tout cas, je trouve que le monde, il en met pas mal, ils sont impressionnés, hein. Ça fait penser comme dans l'Antiquité, le monde regardait le ciel, voyait une comète, ah, César va mourir, ça sent bien. Bon, Ashtar, le capitaine du vaisseau numéro 10 qui va venir chercher les bons humains. Bon, ben, moi, je suis prêt à me disqualifier immédiatement. À dire que je suis un pas bon. Je n'ai rien à voir. Depuis début janvier, ressens-tu que les vibrations sont crissement basses? Ben oui, je me sens comme si j'écoutais du gros métal sombre. Ben, on sent une lourdeur. On sent une lourdeur. Puis, ouais. C'est comme l'affaire que j'ai fait, c'est parce que maintenant, il y a Pereira qui est supposément, je pense pas lui, qui voulait, qui s'était manifesté, puis après, il a effacé ses affaires. Pourquoi? Ben, parce que je sais pas, en tout cas. Puis finalement, j'ai dit, ben, je vais pas en parler tout seul de ce sujet-là. Puis comme je commençais à me dire, je vais en parler de Reinhard Johnson, puis bon. Puis j'ai ressenti une affaire de lourdeur, puis en même temps, quelque chose de très aigu. Puis finalement, j'ai dit, oh, je vais le faire. C'était... Puis non, depuis ça m'a remonté faire ça. Ça m'a remonté. Je me sentais atteint par cette lourdeur-là. Puis faire ça m'a remonté, bien franchement. Puis bon, la peur fait bouger les corps et non les consciences. Ouais. Puis. Ça dépend à quel corps qu'on parle. Oui, sauf si tu prends ton ego, ta conscience. Moi, bon, il y a une livraison. J'ai de la chance d'être là, campagne, et pouvoir aller jouer au jardin, m'occuper dans la nature. Ben oui. Je trouve que les gens qui sont enfermés dans des grandes villes sont bien à plaindre. Vraiment. Puis souvent, ils s'en rendent pas compte. Ils finissent par aimer ça. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je pourrais pas vivre en plein cœur de Montréal. Parce que, je veux dire, imaginez, là, je fais juste aller à la pharmacie. Puis quand je ressors de la pharmacie, j'ai vu tellement de choses. J'ai senti tellement de choses que quand je reviens chez moi, ça me travaille encore. Je fais juste regarder les publicités. Je fais juste aller dans une salle d'attente. Je regarde des magazines. Je vois des techniques de subliminal dans les publicités. Je vois tout le temps de la manipulation partout, partout, tout le temps, tout le temps. Donc, vivre en plein cœur de Montréal, je serais pas capable. Je serais pas capable. Puis, les gens qui sont confortables là-dedans, se passent d'une certaine façon, ça veut dire, pour s'adapter à ce milieu-là, puis tout, ça veut dire, sont tenus dans un certain état. Que j'ai pas envie de dire. Bien le bonjour. Ah, bonjour. Je fuis Bruxelles comme la peste. Ouais. Ah, vous êtes en Belgique. J'ai habité 20 ans en ville. Maintenant, je suis à la campagne. Je plus souvent. Ah, c'est pas facile en ville. Ben, certainement pas. En tout cas, les merles commencent à chanter. Pas de lourdeur chez eux. Ça fait du bien. Ouais. Ben, vous savez que c'est un oiseau qui m'a associé, ça. Le merle, ce sera les habitants des smart cities à venir. Ouais, ben l'affaire, c'est que on peut le sentir que. Prenez là, on nous parle l'économie. Puis ben, avez-vous vu le gouvernement encourager les particuliers à s'acheter des terres, à avoir des petites fermettes? Vous verrez jamais ça, hein, parce que ça fait pas partie du projet. Il va falloir que les individus par eux-mêmes le fassent. Parce que ça fait partie d'un autre projet, un contre-projet. Hier, j'ai eu l'honneur de voir un épervier dans le jardin. Ah oui, il y a une fois, j'étais à Montréal, puis je voyais un petit oiseau dans un arbre, un oiseau relativement petit, qui emplumait un autre. Puis c'est là, j'ai dit, ben voyons, c'est un oiseau de proie, puis j'ai regardé comme il faut, puis c'est un petit faucon. Imaginez, là, ici où je suis, j'en ai jamais vu. Puis à Montréal, dans une cour derrière un immeuble, j'avais vu un faucon pour la première fois. Puis il plumait un moineau, les plumes revolaient au vent. Au niveau physionomie, quand tu ressens des ajustements psychiques intérieurs, comment ça se manifeste et à quel endroit? Je ne veux pas ça. J'ai pas ça, des phénomènes de même. Pas du tout. Non, l'affaire la plus proche de des choses comme ça va être des vibrations physiques. Un peu comme si je me collais la tête sur le compresseur d'un réfrigérateur, puis que ma tête se mettait à vibrer. C'est des choses comme ça que je ressens, que je perçois. Mais j'en connais des gens que, oui, ils ont des sensations, même dans des membres. Puis là, dépendamment si c'est la jambe gauche, jambe droite, bras gauche, bras droit, ils en déduisent des choses. Mais je n'ai pas ça, ces choses-là. Puis je m'en porte pas plus mal, là. On n'est pas censé courir après des choses. Oui, j'ai eu quelques temps des coups de poignard, hein, oui. Mais là, peut-être au niveau nerveux, des fois, pas toujours s'auto-conclusion d'une cause paranormal, là. Il y a des vrais cons aussi. Moi, c'était par rapport à quoi vous dites ça? Bonjour Berthold et à tous. Bonjour Marie. En France, il y a plein de réseaux qui se mettent en place pour aider les gens à se nourrir. Oui, bon. Ben là, moi, si c'est des initiatives de citoyens, puis bon, que ça se fait d'une façon naturelle, puis autorégulée, oui, c'est correct. L'affaire, faites bien attention que ça ne devienne pas. Il y a beaucoup de groupements initiatiques qui ont des façades philanthropiques. Attention. Attention. Il y a des teintes sauvages à Laval, les renards, oui, ben ici aussi, on en a. Tellement, des fois, je pense m'acheter un slingshot, là, un lance-pierre. Je me dis, bon, c'est pas. Là. Des fois, ils passent des petits lièvres ici. Puis bon, pourquoi pas? Je veux dire, si jamais à un moment donné, ça devient une nécessité. Je vois pas. Des lois des grosses fatigues. Des fois, des grosses fatigues, mais cela se passe souvent. En motif du graphique de Schumann, mais je ne sais rien en conclure. Ah, quand il y a des blackouts, en fait, ah, ça dépend de quoi vous parlez, mais les grosses fatigues, d'habitude, là, les grosses. Je vais regarder Gogol, qui ça Gogol, l'artiste, et poser la question, la guerre va commencer à quelle date? Ah, Google. À quelle date qu'il vous donne la réponse? Ouais, monsieur, je suis pas fiable tant qu'à moi. Moi, il dit c'est quand la Russie va attaquer l'Allemagne. Google, la résonance de Schumann. Ah oui, ok. Mathieu, les Mormons de Salt Lake City contrôlent l'industrie du transport dans le Middle West américain et une large portion de terres agricoles et d'usines de transformation alimentaire. Vous savez, les Mormons, c'est spécial, ça. C'est spécial. À un moment donné, je faisais des recherches généalogiques, puis il a fallu que je collabore avec eux autres. Parce que ils sont bien calés là-dedans. Mais bon, les Mormons, j'ai rien contre les Mormons, les particuliers. Un petit peu plus de misère avec les structures. Un petit peu plus de misère. Parce que comme les témoins de Jéhovah, j'ai rien contre eux individuellement, mais collectivement, j'ai bien de la misère. Bien de la misère. Quand ils viennent cogner à ma porte, d'habitude, c'est quand j'arrive dans une nouvelle ville, puis ils ne connaissent pas, ils viennent cogner une fois. On jase, puis après, je ne les revois plus jamais. Parce qu'ils n'ont pas le droit de me parler. Ils finissent pas. Bon, en tout cas, mais il reste que ils connaissent pas les origines de leur propre religion, leurs propres affaires. Ils sont pas au courant de leur propre. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, c'est des choses que j'ai eues. Hein. Prenez les Mormons. Il y a des sectes à côté des Mormons. Je veux dire, il y a des branches différentes. Puis c'est très, très grave. Très, très grave la façon dont ils vivent. Puis des fois, ils marient leur nièce. Puis ça finit, ils ont des bébés consanguins qu'il faut cacher. Puis, wow, là, ça commence à être grave. Peux-tu m'expliquer la communication télépathique et hallucination auditive, la différence au niveau occulte? Et moi, ça commence à être des sujets un petit peu pesants. L'hallucination auditive, ça va être vraiment comme une voix dans la tête. On voit ça avec des schizophrènes, là. Au point où même des fois, ils capotent, là. J'en ai connu un, il s'était ouvert la tête. Parce qu'il comme les gens du paléolithique, parce qu'ils voulaient que ça sorte, comme si c'était matériel. Puis finalement, non, prenez la télépathie. Par exemple, vous avez des pensées, vous êtes en train de penser. Puis finalement, vous vous rendez compte que c'est mécanique, puis que c'est pas volontaire les choses auxquelles vous pensez. Là, vous allez peut-être mettre le doigt sur certains aspects télépathiques de la pensée. Par contre, là, entendre une voix, si vous posez une question intérieurement, puis qu'il y a une voix qui vous répond concrètement, puis que vous n'êtes pas dans un état second, là, ça doit vraiment être inquiétant. Par contre, si vous posez une question intérieurement, puis que les pensées qui suivent répondent à la question, là, c'est autre chose. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on fait la différence. Mais de toute façon, souvent, que ce soit par des pensées ou par une voix objective, si on peut dire qu'il est entendu objectivement, ça va être de la manipulation pareil. C'est pour ça qu'il va falloir tester. Tester ce que ça dit. Puis, la plupart du temps, aussi au niveau de pensée, surtout, entendre une voix objective, non, là, je serais inquiet. Mais souvent, je vais tester, puis finir par tout défaire ça. Puis finalement, ça clôt le phénomène. Pour les personnes qui ont des enfants, regardez Carl Zéro. Ouais, mais ça peut être lourd, là. En tout cas, j'aimerais savoir comment interpréter des genres de promotion. Il y a 7 ans, j'ai prédit la mort de mon père. Je lui ai dit de prendre soin de lui et il s'est décidé. Hein? Il a prémédit que le matin a décidé. Vous dites qu'il est mort pas longtemps après. Des fois, on sait des choses par un. On va essayer tout simplement. J'ai eu une expérience semblable. J'avais dit à mon père, je lui ai dit, si tu continues à agir comme tu fais, tu es mort dans 4 ans. Finalement, il est mort 2 ans plus tard. Mais bon, c'est sûr, ça dépend, là. Mais non, il y a des choses qu'on sait. Vous savez, on pourrait parler, les gens qui ont s'il y a du psycho-affectif, bon, ça peut arriver que vous allez savoir des choses des autres, puis prédire des choses qu'on appelle le plan de vie. Bon, ça se sent, ça. C'est très bon journaliste, Carl Giraud. Un petit peu sensationnaliste, des fois. Je n'ai pas apprécié de vivre ça. Moi, ben, faut pas non plus. Faut pas. On n'est pas censé. Changement de chèque chez les enfants. Ouais, ben ça, c'en est du transhumanisme et du nouvel âge, tant qu'à moi. Je veux dire, il y a quelque chose de. Prenez le discours qu'il y a eu dans les années 80 sur l'âme. On sentait, là, on sentait. J'étais curieux si le doute peut oser la discussion par l'audition, vous voyez? Ben oui, il y en a même que, à mes yeux, ça devient. Bon, désolé, j'ai écrit trop vite, bah, c'est pas grave. Je vais devoir cesser bientôt. Merci de la réponse, mais pas de quoi. J'ai un phénomène au moment du coucher, il y a toujours des flashs lumineux, puis parfois comme un défilement intense d'images très raides qui me font l'effet d'une mise à jour. Connais-tu ce phénomène? Oui, on appelle ça des mantismes. Ça se produit entre la veille et le sommeil ou quand on est prêt de s'endormir des fois. C'est un phénomène souvent qui va être amplifié par c'est les gens des fois qui prennent beaucoup de tabac, beaucoup de café. Mais les flashs lumineux, ça, c'est pas des images, là. Donc, on peut pas considérer ça comme des mantismes. Mais c'est lié, on dirait, au système nerveux. Mais il y a différents types de flashs lumineux. C'est comme il y a quelqu'un dernièrement avec qui je parlais, par après, tu parlais-tu de moi spécifiquement, mais c'est parce que ces phénomènes-là, c'est très, très, très répandu. Comme c'est des choses parmi lesquelles j'ai parlé, beaucoup de gens m'en parlent. Puis, il y a des phénomènes au niveau des flashs lumineux, si vous êtes rendu qu'à un moment donné, c'est comme des chocs électriques, là. Là, ça commence à être un autre phénomène, là. Là, ça commence à être autre chose. Mais il reste que les flashs lumineux, non, non, c'est normal. C'est comme les images qui défilent rapidement. C'est ce qu'on appelle des mantismes. C'est un phénomène qui est lié à. C'est le plan mental au niveau électromagnétique. Votre système nerveux, il va avoir une stimulation, puis ça va générer des formes rapides, fugaces dans le plan mental. Puis c'est au niveau de la perception aussi. Des fois, ça peut être le nerf optique, ou changer de position, venir de vous coucher. Puis il va les changements de pression, puis on dirait que ça va avoir des effets au niveau nerveux. Mais c'est vraiment du cas par cas. Parce que ces phénomènes-là, c'est très, très, très répandu. Très répandu. C'est comme des fois, vous pouvez voir des couleurs très vives là, apparaître d'un coup. Puis, mais vous êtes mieux de vivre des phénomènes comme ça que d'autres. En tout cas, peux-tu nous parler de l'inversion des pôles magnétiques? Je sens que les conditions climatiques vont empirer grandement dans l'année. C'est quelque chose auquel je n'ai jamais cru. Je veux dire, que ça allait se passer prochainement, là. Je veux dire, je nie pas le phénomène, là. Mais bon, je pourrais en parler, mais j'ai d'horribles flashs lumineux avant une migraine depuis que j'ai 16 ans. Moi, ben, c'est là que, bon, parce que vous savez, la migraine, souvent, ça va être lié, ben, souvent, des fois, ça va être lié à le psychisme un peu, là, psychologiquement, des changements aussi, des fois, de pression. Mais là, l'affaire, là, avec les flashs lumineux, là, c'est pas comme des halos, là, comme les migraines avec halos, ça vient pas bang d'un coup comme ça. Mais, moi, c'est parce que ça peut être déplaisant, là. Mais il reste que ça n'a pas l'air. C'est comme une maladie chronique, comme une autre, dans le sens, tant que vous êtes fonctionnel, puis que j'ai vécu des drôles de trucs il y a 2 ans et demi par rapport au phénomène auditif. Oui, des fois, ça devient Martin Tifo. Là, il y en a pas mal. Lorsque je m'installe dans mon lit pour dormir le soir, le souvenir de mon rêve de la nuit précédente revient parfois spontanément. Oui, ça arrive. Mais ça, c'est lié à des phénomènes, il y a la mécanicité de l'âme. On appelle l'âme, c'est juste la mémoire, hein, c'est juste. Puis des fois, même, il y a des gens, ben, vous pouvez faire l'expérience, vous êtes en train de faire un rêve, vous vous réveillez, vous allez aux toilettes, vous faites d'autres choses, vous revenez, puis là, vous continuez le même rêve. Ça vient contredire les gens, les scientifiques qui ont étudié les rêves. Ça vient les contredire. En tout cas. Au niveau de leur théorie à eux. Parce que c'est pas supposé, là, qu'il y ait une cohérence comme ça. C'est comme souvent, ils vont dire, ben, dans les rêves, le temps est pas Ah oui, il y a des gens qui rêvent à des dates précises ou bien dans le rêve, tout d'un coup, ils décident de regarder la date. Puis bon, ça vient encore contredire les gens qui étudient les phénomènes oniriques, là. C'est souvent accompagné de sensations électriques dans les jambes ou les bras. Moi, ça pourrait être lié, entre autres, le système nerveux puis la pression sanguine. Mais là, même là, c'est du cas par cas, là, je ne suis pas certain. Électrisation en même temps. Depuis, je cherche à définir ce que j'ai vécu. J'ai entendu comme j'entends une conversation ici. Ne riez pas, c'était à propos du retour du Christ. Ouais, ben là, c'est là qu'il faudrait tester ça. Parce que habituellement, dès que ça parle du Christ, c'est l'astral. Habituellement, là. Comme par exemple, prenez, parce qu'ils vont se servir de ces formes-là tout le temps. Prenez, par exemple, souvent un schizophrène en psychose, il va avoir le Christ qui lui parle. Puis souvent, bon, c'est pour ça qu'il faut tester, voir la cohérence. La cohérence. J'étais absolument pas dans religion et écriture. Non, pas besoin, mais c'est des archétypes hein, qui font partie de l'âme collective. Donc, pas besoin. Il y a même des gens qui ont fait des rêves. Prenez Ruth Norman, la secte soucoupiste là, de Ruth Norman. Il y a un bonhomme qui, avant de la rencontrer, avait rêvé d'elle. Mais c'est pas parce que c'est le Messie, cette femme-là. C'est à cause de la mécanicité de l'astral, de la façon que ça fonctionne. Pourquoi cette annonce? Ben là, faudrait regarder ça. La migraine, ça peut être une pollution métallique ou un dérèglement hormonal. Ça peut être plein de choses, vraiment. Je suis aussi sorti de mon fauteuil roulant lors de cet événement. Ah oui, ben là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Depuis, cela est beaucoup mieux. Question santé, je suis toujours debout. Ah ben, c'est intéressant. Ça veut dire il y a eu un déblocage là, de quelque chose. C'est vraiment intéressant. Ben, prenez les places où il y a des ex-voto. Ça peut être puissant, hein, ces formes-là ou ces expériences-là. Les chapelles où il y a des ex-voto, des fois, c'est surprenant de les regarder. Puis lire les témoignages. Bien des implants dentaires, pas supportés. Ouais, ben, c'est pour ça que les traitements dentaires, faut y aller avec parcimonie. Avec parcimonie. Comme moi, par exemple, vous ne me verrez jamais aller me faire blanchir les dents. Là. Je m'en fous. Je m'en fous d'avoir l'air d'un déçu de paquet de cigarettes. Là. Parce que, prenez juste quand j'étais enfant puis qu'on nous faisait les affaires au fluor. Là. Je le savais intérieurement qu'il ne fallait pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais un petit peu con. Moi, je vais devoir y aller. Puis même encore aujourd'hui, je trouve ça. Continuer mes rêves, ça m'arrive souvent. Ben oui. Bon, Isia, est-ce que le lien du site s'est affiché plus haut? Sinon, je le mettrai sous la vidéo quand il sera en ligne. Ce serait peut-être mieux, je ne l'ai pas vu. J'ai pris le courant électrique du haut du crâne vers le bas et propulsion hors de mon fauteuil. J'étais seul chez moi. Cela a été très bref, mais j'ai mis 3 jours à me calmer. Ah oui. Bon, ben. Ce que vous parlez là-haut du crâne, c'est le vertex. C'est comme un petit creux ici. Ouais, ben là, ça commence à être des phénomènes un peu de l'ordre du mystique. Peut-être vous êtes une mystique. Ça se peut. C'est bien possible. Je veux dire, prenez Sainte-Thérèse d'Avila, puis bon, c'est des Sainte-Catherine de Sienne. Peut-être que vous êtes une mystique. Peut-être que. C'est possible, là. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir une vie, spéciale. C'est quoi être un mystique? Ben, c'est les phénomènes mystiques. Le mysticisme, vous avez différentes étapes. Il y a le ravissement. Ça, c'est si vous tombez, il y a les extases. Il y a le ravissement. Il y a les chaleurs. Mystique. Puis, ah oui, j'en connais pas ce sujet, mais depuis je cherche. Ouais, ben c'est ça, on dirait que c'est comme si vous aviez un plan de vie de mystique. Donc, ces phénomènes-là, l'important surtout, c'est de pas leur donner trop d'importance. Je veux dire, faut quand même c'est important quand même. Mais pas non plus devenir, comment je pourrais dire ça, missionné au martyr, là. Parce que c'est des initiations, je parle pas initiation au sens comme la connaissance puis les affaires initiatiques, c'est pas de ça que je parle. Mais le mysticisme, c'est des initiations souffrantes. Comme il y en a qui ont eu à se battre avec des formes densifiées, puis c'est des choses traumatisantes. Donc, il n'y a pas juste le beau côté, là. Prenez le Padre Pio qui se faisait attaquer dans sa cellule par des chiens invisibles. Il n'y a personne qui veut vivre ça, là. Ou le curé d'Ars qui s'est fait mettre le feu à sa maison. Bon, il y a l'envers de la médaille aussi, là. Il faut faire attention. Pas embarquer, moi. Je suis assez seul face à ça. Ben, c'est là. C'est pour ça que tout le temps aller de plus en plus vers ce qu'on pourrait appeler la normalité. Ce qu'on voit comme une vie saine, puis le plus normal possible. Continuer à voir des gens, continuer à socialiser, continuer à avoir une vie le plus normale possible. Puis ces phénomènes-là, de ne pas en faire le centre de tout, là. Parce que ça fait des vies est extrêmement difficiles. Il y en a qui sont tombés dans le mysticisme d'une façon totale. C'est pour ça que Sainte-Catherine de Sienne est morte tellement jeune. Il y en a, ils mangent plus. Donc, c'est à faire attention, là. J'ai eu une phase mystique depuis, je suis bien revenu, encore une fois dangereuse, moi. Ben, ça lit un peu le haut astral. Puis, c'est très, très, très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Prenez Swedenborg, ils ont compté toutes sortes de conneries. Ils l'ont amené dans le haut astral, il y avait des chants de fleurs qui chantaient, puis. C'est sûr que c'est impressionnant, mais ils l'ont bullshité. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait imposer un chemin de vie, une mission, puis finalement, c'est devenu de la déroute. Donc, c'est toujours à faire attention. Je préfère éviter effectivement d'être martyr. Ben, c'est ça. Prenez la petite Thérèse de Lisieux, là. C'est pas des vies souhaitables tant que ça, là. Ou même au niveau d'artistes, il y en a qui ont eu des vies extrêmement souffrantes à cause d'une sensibilité et d'une propension au mysticisme, comme Séraphine de Senlis. Donc, oui, se raccrocher à l'ordinaire, ben oui. L'ordinaire, c'est le réel support de l'extraordinaire. Vraiment, là. Donc, je suis né avec ma vie a été un enfer. Moi, c'est pour ça que j'ai eu des fous rires et des moments merveilleux, des rires face à certaines infos lors de lecture des écritures. Moi, hey, bonjour. Bonjour Didier. Je suis content d'avoir des nouvelles. Parce que je sais pas, là, j'ai été un peu inquiet, mais bon, bonjour, merci d'être là. Je vais devoir quitter bientôt, là. Mysticisme, une partie de notre énergie quitte pour habiter quelque chose ou quelqu'un d'autre. L'affaire, c'est comme prenez le ravissement, vous êtes en partie sorti de vous-même, au sens où les gens qui sont en état de ravissement, ils ont le visage, c'est une expression d'extase, puis ils ne bougent plus. Ils sont en dehors d'eux-mêmes. C'est ça le ravissement. Il y a quelque chose qui les prend puis qui les élève. Puis ils sont en dehors de leur corps jusqu'à un certain point. Mais bon, ça prendrait, je veux dire, c'est long, là, expliquer toutes ces affaires-là, en parler, juste en parler, expliquer toutes les différentes phases. Et c'est assez vaste, là. C'est très vaste. Prenez Sainte-Thérèse d'Avila, le château intérieur. Si jamais vous tombez sur ce livre-là, elle explique bien. Elle explique très bien. Les gens ne savent pas, mais Sainte-Thérèse d'Avila, c'est une femme qui a eu des enfants. Elle était mariée. C'est pas une sainte au sens où on l'imagine, là. C'est une bonne femme, même avec des méchants, des défauts de caractère. C'était une péteuse de coche, là. Il y avait des sœurs qu'elle trouvait détestables. Se méfier. Ok, j'ai dû manquer. Merci Bertol. Ok, bonjour. Se méfier de la fascination. Ouais. C'est parce que pas supposé être une fascination. Pourquoi? Parce que la fascination, c'est une des premières phases de la possession. Vous avez la fascination, l'obsession, possession. Puis c'est pour ça, là. Puis prenez les schizophrènes. Souvent, vous allez voir, il y a quelque chose de lié à des fascinations pour du religieux. Souvent, ils vont avoir le Christ qui leur parle. Puis... Mais l'affaire, c'est parce que c'est une forme, là. Donc, ça peut être dangereux. Les choses ne peuvent-elles pas être vécues dans le corps? Oui. Oui, il y a des affaires, c'est carrément dans le corps. Il y en a, ils font des élongations corporelles. Il y en a même, ils lèvent dans les airs, il y a de la lévitation. Sainte-Thérèse d'Avila a lévité. Mais vous avez les mêmes phénomènes avec la possession. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le mysticisme puis la possession, c'est des phénomènes qui se ressemblent. Donc, faire attention. Puis des fois, on n'est pas sûr. Thérèse Neunand aussi, apparemment, c'était tout un cas. Oui, c'est des choses. Jean de la Croix, par exemple. C'est spécial, là. C'est des affaires, ça dépasse l'entendement comme on le connaît. Comme on le comprend. Donc, je suis allé dans un village espagnol du nom d'Avila. J'avais l'impression d'être au Moyen-Âge. Ben, vous savez, les Espagnols, à un moment donné, dans un état second, je me promenais comme sur un écran mental. J'étais entre la veille et le sommeil. Ce que je passais, c'était un petit village qui avait l'air en Espagne. À un moment donné, je croise deux madames avec, vous savez, des affaires en brodé noir sur la tête, puis ils devaient sortir d'une église pas loin. Puis là, je me disais, je ne sais pas s'ils peuvent me voir. Puis à un moment donné, ils sont mis à crier, ah! Puis je, hop, OK. Finalement, whoop, je me suis réveillé d'un coup. Mais c'est juste des images. Est-ce que vraiment je me suis téléporté, je me suis manifesté, quelque chose, je ne sais pas. Mais les Espagnols, ils ont. C'est la mémoire. Hein. C'est lourd, c'est bon. Mais bon, les Espagnols, c'est des Espagnols. Hey, j'ai connu un Espagnol. Puis lui, quand il avait un char à son goût dans le parking de l'établissement, ben, il faisait un coup de téléphone, puis le char disparaissait. L'ami a toujours besoin de comprendre malgré tout? Moi, non, on n'a pas besoin nécessairement de comprendre. L'affaire, c'est de savoir, dans le sens que des affaires qu'on n'a même pas besoin de comprendre pour s'en préserver. Parce qu'on sait que. Donc, mental, moi, le mental a besoin de comprendre. Non, pas toujours. C'est l'intellect, hein, qui cherche à comprendre. Mais si vous avez un mental épuré, oui, c'est ça, c'est de la possession. Ben, ça peut aller jusque-là. Mais c'est comme le mysticisme, c'est un petit peu de la possession, mais le haut astral. Mais là, c'est pas nécessairement mauvais le mysticisme. Je veux dire, les mystiques sont des sources d'informations très importantes. Ils ont des plans de vie. Souvent, ils peuvent bouleverser une société, ça arrive. Sainte-Catherine de Sienne a pété des coches au pape. Personne. Puis elle avait raison. C'était vrai ce qu'elle disait. Donc, il y avait de la lucidité, être en contact avec la lucidité. Prenez Hildegarde de Bingen. Je veux dire, il y a des choses réelles, très brillantes qui passent à travers cette femme-là. C'est une mystique. Donc, je vais devoir quitter. Depuis que j'ai eu un gros COVID il y a un an, j'ai des cauchemars où des gens veulent entrer dans ma maison et je les tue. C'est juste horrible. C'est possiblement la transposition en forme puis en image de quelque chose qui se passe à un niveau plus subtil dans votre psychisme. Donc, on se bat pour notre âme. Hein? En tout cas, bon, ben, bonne journée, je dois vraiment y aller. Au revoir.